À peine parus-je aux yeux de madame de Varan que son air me rassura. Je tressaillis au premier son de sa voix. Je me précipite à ses pieds, et dans les transports de la plus vive joie, je colle ma bouche sur sa main. Pour elle, j'ignore si elle avait su de mes nouvelles, mais je vis peu de surprise sur son visage, et je n'y vis aucun chagrin. « Pauvre petit, me dit-elle d'un ton caressant, te revoilà donc ? Je savais bien que tu étais trop jeune pour ce voyage. Je suis bien aise au moins qu'il n'ait pas aussi mal tourné que j'avais craint. » Ensuite, elle me fit conter mon histoire, qui ne fut pas longue, et que je lui fis très fidèlement, en supprimant cependant quelques articles, mais au reste, sans m'épargner ni m'excuser. Il fut question de mon gîte. Elle consulta sa femme de chambre. Je n'osais respirer durant cette délibération. Mais quand j'entendis que je coucherais dans la maison, j'eus à peine à me contenir, et je vis porter mon petit paquet dans la chambre qui m'était destinée, à peu près comme Saint-Preux vit remiser sa chaise chez madame de Volmar. J'eus pour surcroît le plaisir d'apprendre que cette faveur ne serait point passagère. Et dans un moment où l'on me croyait attentif à toute autre chose, j'entendis qu'elle disait « On dira ce qu'on voudra, mais puisque la Providence me le renvoie, je suis déterminé à ne pas l'abandonner. »